Elle me dit que je suis libre, que je suis le plus beau, que c'est avec elle que j'irai là-haut. Parfois j'en flippe, tombé dans le panneau, que je suis dans le love qu'une fois par année. Elle me dit que je suis ivre, que je suis parano. J'en ai rien à foutre qu'on part pas à un autre. Quand je te fais l'amour, c'est pas par amour, c'est juste que je ne veux pas que ce soit un autre. Toute la journée, je suis dans les bails sombres et dans la valise, y'a de quoi les choquer. Sur le terrain, je les ai gauchés. Elle me reproche de pas décrocher. Jeune rebeu puissant et parano. Je vais sûrement me faire buter par un autre. Je prends du biche de vécu par année. Je vais sûrement me faire buter par un autre. Elle me dit je t'aime, je lui dis que je sais. Elle met la haine, elle m'a dit qu'elle le sait. Qu'on se fait du mal, on le sent, on le sait. Je profite de l'instant, on regrettera après. Je tourne en rond, frère, je suis loin d'être carré. Je vais me faire buter par mon meilleur ami. Je fais des cauchemars et je me rêve la nuit. En plus, mon frère, je suis parano. La vie de ma mère, je suis parano. Pas, je brûle le livre. Ok, je suis déter sous la visière. Déter comme à Ingle. Tous les jours à l'affût des nouvelles stories. J'ai plus la force de faire des allers-retours. Elle me questionne sur mon passé, exposé aux rumeurs qui tombent dans les alentours. Elle me demande pourquoi je nie. Je réponds qu'on peut pas nier ce qu'on ne connaît pas. Encore une nouvelle fuite. Tous les jours ça part, mais moi je ne les connais pas. Elle me dit je t'aime, je lui dis que je sais. Elle met la haine, elle m'a dit qu'elle le sait. Qu'on se fait du mal, on le sent, on le sait. Je profite de l'instant, on regrettera après. Je tourne en rond, frère, je suis loin d'être carré. Je vais me faire buter par mon meilleur ami. Je fais des cauchemars et je me réveille la nuit. En plus, mon frère, je suis parano. La vie de ma mère, je suis parano. J'ai pas ton code. Je veux plus de mensonges. Maintenant tu vas m'avouer ce que tu me caches encore. Je veux plus de mensonges. Je veux plus de mensonges. Je veux plus de mensonges. Je dois remplir mes poches pour consoler mon cœur quand je n'ai pas ton corps. Je dois remplir mes poches pour consoler mon cœur quand je n'ai pas ton corps. Je dois remplir mes poches pour consoler mon cœur quand je n'ai pas ton corps. Je dois remplir mes poches. Je dois remplir mes poches. Remplir mes poches.